Pendant ce temps, Fabrice montait les 380 marches qui conduisaient à la Tour Farnese, nouvelle prison bâtie sur la plateforme de la grosse tour, à une élévation prodigieuse. Il ne songea pas une seule fois, distinctement du moins, au grand changement qui venait de s'opérer dans son sort. Quel regard, se disait-il, que de choses il exprimait, quelle profonde pitié. Elle avait l'air de dire, la vie est un tel tissu de malheur. Ne vous affligez point trop de ce qui vous arrive. Est-ce que nous ne sommes point ici-bas pour être infortunés? Comme ses yeux si beaux restaient attachés sur moi, même quand les chevaux s'avançaient, avec tant de bruit sous la voûte. Fabrice oubliait complètement d'être malheureux. On remarqua ce soir-là plus d'animation que de coutume dans la figure de Clélia, car elle se montrait calme et lente à s'émouvoir, soit par mépris de ce qui l'entourait, soit par regret de quelque chimère absente. Longtemps, on avait cru qu'elle finirait par embrasser la vie religieuse. À 20 ans, on lui voyait de la répugnance à aller au bal, et, si elle y suivait son père, ce n'était que par obéissance et pour ne pas nuire aux intérêts de son ambition. Depuis que son père était gouverneur de la citadelle, Clélia se trouvait heureuse, ou du moins exempte de chagrin, dans son appartement si élevé. Le nombre effroyable de marches qu'il fallait monter pour arriver à ce palais du gouverneur, situé sur l'esplanade de la grosse tour, éloignait les visites ennuyeuses. Et Clélia, par cette raison matérielle, jouissait de la liberté du couvent. C'était presque là tout l'idéal de bonheur que, dans un temps, elle avait songé à demander à la vie religieuse.